Au sujet finalement de s'embarquer, la chanson du rameur de Cythère de Maurice de Pharamond. Puisqu'en ma barque solitaire, je dormais, qui donc m'éveilla? Qui m'a crié? Rameur de Cythère, lève-toi, je suis là. Je me lève et je vois mon rêve et la mer confondue au jour et la terre comme une tour. Cependant que la voix meurtrie tâtonne dans l'ombre et me crie « Hola, rameur de Cythère !» Et me voilà, je vois la terre et je vois la mer et je vois mon rêve et donc je me lève et je détends au souffle amer le pli superbe de la voile et je vois l'étoile qu'au ciel calme aussi tu verras, toi qui hautaine vient de Corinthe ou d'Athènes. Si tu courbes ta hanche au bras du rameur puissant de Cythère, qui sur un flot, comme enchanté, porte les formes de la terre, qui vont à l'immortalité. Et dans ma barque taciturne, j'ai porté des porteuses d'urnes, et des reines aux yeux glorieux, et des enfants aussi joyeux. Mais nulle autre encore fut-elle la fille fauve de Titan, ou quelque plus douce immortelle, ne m'émut tant que cette voix vague, perdue, à peine entendue, à peine, et qui meurt. Et moi, le rameur, je lui réponds et je lui crie « D'où que tu sois, et de quelle patrie, porteuse d'urne ou de bandeau, ou porteuse d'asphodèle, pose ici même ton fardeau, viens sur la mer qui m'est fidèle. Et si tu le veux, épands tes cheveux. Et s'il te plaît, laisse au rivage tomber ta robe d'esclavage. Et viens t'asseoir sous ma voile. Voici le soir et l'étoile. »